côté de ma chambre, côté de ma chambre. Ici ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Cassim, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde-moi, Imen, regarde-moi. Regarde-moi. Lis dans mon regard pour la dernière fois. Lis dans mes yeux. Je te l'avais dit, je laverai ton honneur. Je l'avais dit. Les flics me cherchent, je vais m'arracher dans l'heure. Je prends la cavale. Prends soin de la famille, dis au revoir à mes. J'assume ce que j'ai fait, plus de marche arrière. Quand ils te frappaient, ils faisaient le fier. J'espère que je l'ai laissé six pieds sous terre. Le temps va me donner raison. C'était pas lui le bon, il t'aimait pas au final. C'était plus pareil à la maison. Tu le sais, je pouvais pas vivre avec ça. Le temps va me donner raison. C'était pas lui le bon, il t'aimait pas au final. Et si j'ai cassé quelque chose, désolé, désolé, désolé. Tu le sais, y a souvent des représailles.